Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 14. Or le Seigneur parla à Moïse, disant, « Dis aux enfants d'Israël qu'ils retournent et qu'ils campent vis-à-vis de Pi-hahiroth, qui est entre Magdaloum et la mer, contre Baal-Séphon. C'est la vue de ce lieu que vous poserez votre camp près de la mer. Car Pharaon va dire des enfants d'Israël, « Ils sont resserrés dans la terre, le désert les tient enfermés. » Et j'endurcirai son cœur, et il les poursuivra, et je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. Cependant on annonça au roi des Égyptiens que le peuple s'était enfui. Et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et ils dirent, « Qu'avons-nous voulu faire en laissant aller Israël, pour qu'il ne nous servît plus ?» Il attela donc son char et prit tout son peuple avec lui. Il emmena aussi, outre 600 chars d'élite, tout ce qu'il y eut de chars dans l'Égypte, et les chefs de toute l'armée. Et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël. Mais eux étaient sortis par une main élevée. Et comme les Égyptiens suivaient leurs traces de près, ils les trouvèrent dans leur camp près de la mer. Toute la cavalerie et les chars de Pharaon et l'armée entière étaient à Pi-hahiroth contre Baal-Séphon. Et quand Pharaon se fut approché, les enfants d'Israël, levant les yeux, virent les Égyptiens derrière eux. Et ils furent saisis d'une grande crainte, et ils crièrent au Seigneur. Et ils dirent à Moïse, « Peut-être qu'il n'y avait pas de sépulture en Égypte. C'est pour cela que tu nous as amenés, afin que nous mourions dans le désert. » Qu'as-tu voulu faire en nous retirant de la terre d'Égypte? N'est-ce pas là le langage que nous te tenions en Égypte, disant « Retire-toi de nous afin que nous servions les Égyptiens, car il valait beaucoup mieux les servir que mourir dans le désert. » Or Moïse répondit au peuple, « Ne craignez point, demeurez fermes, et voyez les grandes œuvres que le Seigneur va faire aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez en ce moment, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous serez dans le silence. » Le Seigneur dit ensuite à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël qu'ils partent. Mais toi, élève ta verge et étends ta main vers la mer, et divise-la, afin que les enfants d'Israël marchent au milieu de la mer à sec. Pour moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, afin qu'ils vous poursuivent. Et je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, et en ses chars et en ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que moi je suis le Seigneur, quand j'aurai été glorifié en Pharaon et en ses chars et en ses cavaliers. » Alors l'ange de Dieu qui précédait le camp d'Israël alla derrière eux. Et ainsi que lui, la colonne de nuée, passant de devant en arrière, se tint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Or la nuée était ténébreuse, et elle éclairait la nuit, en sorte que durant tout le temps de la nuit, ils ne pouvaient s'approcher l'un de l'autre. Lors donc que Moïse eut étendu la main sur la mer, le Seigneur la fit retirer, un vent impétueux et brûlant ayant soufflé toute la nuit, et il la mit à sec, et l'eau fut divisée. Ainsi les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer desséchée, car l'eau était comme un mur à leur droite et à leur gauche. Et les poursuivants, les Égyptiens, entrèrent après eux, au milieu de la mer, ainsi que toute la cavalerie de Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Et déjà était venue la veille du matin. Et voilà que le Seigneur, jetant un regard sur le camp des Égyptiens, à travers la colonne de feu et de nuée, tua toute leur armée et renversa les roues des chars. Ils furent entraînés au profond de la mer. Les Égyptiens dirent donc, « Fuyons Israël, car le Seigneur combat pour eux contre nous. » Et le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, afin que les eaux retournent vers les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Et lorsque Moïse eut étendu sa main contre la mer, elle retourna au premier point du jour en son premier lieu. Et les eaux vinrent à la rencontre des Égyptiens qui s'enfuyaient, et le Seigneur les enveloppa au milieu des flots. Ainsi les eaux retournèrent et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui, poursuivant Israël, étaient entrés dans la mer, et il ne resta pas même un seul d'entre eux. Mais les enfants d'Israël poursuivirent leur chemin au milieu de la mer desséchée, et les eaux étaient pour eux comme un mur à droite et à gauche. Et le Seigneur délivra en ce jour-là Israël de la main des Égyptiens. Et ils virent les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et la main puissante qu'avait étendue le Seigneur contre eux. Et le peuple craignit le Seigneur, et ils crurent au Seigneur et à Moïse son serviteur. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.